France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Pour les jeunes turcs des cahiers du cinéma des années 50, ceux qui feront la nouvelle vague, Jean Renoir était le patron. En 1954, l'année de French Cancan, Jacques Rivette et François Truffaut réalisaient avec lui un entretien qui paraissait dans les numéros 34 et 35 des cahiers. En 1957, les deux mêmes récidivaient pour un numéro spécial de la revue consacré à Renoir. Plus tard, en 1966, pour l'émission de télévision de Jeannine Bazin et André Labarthe, cinéastes de notre temps, Jacques Rivette tournait Jean Renoir, le patron, un film de plus de 4 heures en 3 parties. La recherche du relatif, la direction d'acteur et la règle et l'exception. Des sous-titres qui traduisent quelque chose de l'admiration pour Jean Renoir, des jeunes cinéastes qui s'étaient opposés au cinéma estampillé qualité française. En 1974, Jean Renoir avait 80 ans et Philippe Hainaut lui consacrait une émission spéciale. On y entendait François Truffaut dire pourquoi lui et ses camarades plaçaient Renoir très haut dans leur panthéon cinéphilique. Ciné-magazine spécial Jean Renoir, avec Jean Renoir, et aussi Jean Douché, Jean Mitry, Joseph Cosma, Marcel Daliot, Henri Langlois et Luchino Visconti. Ah, des cannes à pêche. Vous nous les prêtez, messieurs? Mais bien sûr. Et puis tenez, voici une boîte avec des asticots. Et une autre avec du fromage pourri. Pour le chemin, il n'y a rien de tel. Qu'est-ce qu'il aime le mieux, les cerises ou le fromage pourri? Vous ne comprenez rien, Anatole. Le chouette mange de tout, mon ami. Oh, par exemple, on peut dire qu'on en a de la chance. Pas vrai, monsieur Dufour? Vous l'avez dit, Anatole, qu'on rentrera à Paris avec une friture. Alors quoi? J'ai vu le troisième assistant dans une petite campagne, qui est du reste un petit chef-d'œuvre de Jean Renoir. Et j'étais le troisième assistant, le premier assistant étant Jacques Péquer, et le deuxième, Henri Cartier-Bresson. Luchino Visconti. Et moi, j'étais le troisième, le moins important, évidemment, et celui qui prenait tous les coups sur sa tête, évidemment, quand il y avait une erreur. Mais je suis resté toujours extrêmement reconnaissant à Jean Renoir de m'avoir appris le métier sans me l'apprendre. Parce que Jean Renoir est un homme d'une telle envergure, d'une telle personnalité, qui n'a pas besoin d'apprendre les choses. Il suffit de le regarder agir, de le regarder travailler, et on comprend ce que c'est le travail. Profitons de la permission. Dépêchons-nous, il est déjà tard. Je crois qu'on a en soi des convictions très profondes. Et ces convictions, si on ne les a pas, c'est pas la peine d'essayer de faire des films ou d'essayer d'écrire ou d'essayer de faire de la musique. Je crois qu'il faut d'abord être mu par une espèce de foi. Il faut Jean être Renoir. Extrêmement envie de dire ce à quoi l'on croit et de faire partager sa croyance à d'autres. Merci. Allez, madame, vous la première. C'est comme j'ai peur. C'est pas dangereux. N'ayez pas peur, je vais bien sûr vous comme sur ma propre fille. Ah. Dommage que ce bateau soit si étroit. Quoi? Parce que vous auriez pu venir vous asseoir à côté de moi. On aurait ramé ensemble comme deux amoureux. Oh, voulez-vous bien plus de J'aurais jamais osé. Avec votre petit maillot, vous avez l'air d'être tout nu. François Truffaut. Je connais Jean Renoir depuis une vingtaine d'années, je pense, puisque je l'ai connu d'abord comme journaliste, au fond, en allant l'interviewer. Et même encore avant cela, je l'ai connu lorsque j'étais en compagnie d'André Bazin, qui préparait un livre sur lui. Et seulement depuis un an, je me rends fréquemment à Los Angeles, où il vit. Et je dois dire qu'en une année, je l'ai mieux connu que depuis 20 ans, parce que quand je reste là-bas 3 semaines, j'ai pris l'habitude d'aller le voir tous les jours, parce que je crois que ça lui fait plaisir. Il a des amis américains, mais il a peu d'amis français qui viennent le voir si loin, évidemment. Et bien, j'ai vu un homme qui a 80 ans, qui vient d'avoir 80 ans, qui a renoncé au cinéma. Il a été difficile pour lui d'admettre qu'il ne ferait plus de films. Il s'en est rendu compte il y a 2-3 ans, au moment où il a terminé son dernier film à épisode pour la télévision, à sketch, le petit théâtre de Jean Renoir. C'est triste parce qu'il avait réellement des tas de projets. C'est un homme qui n'a vraiment fait qu'un film pour 4 qu'il préparait. Vous voyez, même si le total fait une 30aine de films, en réalité, Jean Renoir a des curiosités tellement larges, tellement vastes, tellement étendues, tellement qu'il est certain que lui pense beaucoup à l'œuvre qui ne s'est pas faite, vous voyez, si nous pensons à l'œuvre qui s'est faite. Et par exemple, un de ses projets qu'il regrette le plus, je crois, de ne pas avoir pu réaliser, c'est celui de faire tourner Jeanne Moreau pour un scénario qui s'appelait Julienne et son amour, qui était très beau, mais qui est venu un peu trop tard, simplement, qui est venu à un moment où on ne faisait plus de films en studio. Ce film nécessitait, par exemple, qu'on reconstruise la rue Le Pic en studio, et les producteurs ont pris peur. Il y a 5 ans de cela, Jeanne Moreau le regrette beaucoup, et lui aussi. Renoir s'intéresse plus aux gens avec qui il a travaillé, finalement, qu'au film même. Il a plus de plaisir à dessiner des portraits, à parler de ses rencontres, de ses amitiés de travail, que des films même, bien qu'il ait une collection de pas tous ses films, mais enfin un tiers, un quart de ses films, en 16 mm, dans des copies 16 mm, qu'il regarde le soir. Et j'ai eu le plaisir de mon dernier voyage de regarder plusieurs de ses films avec lui. Je l'ai trouvé quelquefois trop sévère, parce qu'il était critique très sévère. Je crois que de tout ce que nous avons regardé ensemble, ce qu'il a préféré, c'était La Chienne. Sur le plan de la pensée, de la philosophie, où en est-il ? Ça, c'est très difficile à dire parce que Jean Renoir est la personne la plus paradoxale du monde, vous voyez. Alors, je crois qu'un jour, il fera le grand éloge du mouvement hippie. Mais dans une conversation quelques jours après, il regrettera que les jeunes gens des universités américaines abandonnent la culture classique. Il y a une phrase assez extraordinaire dans son livre, là, dans Ma vie et mes films, quand il dit « Je suis contre le progrès, non pas parce que ça marche pas, mais parce que ça marche ». Voilà, ça le définit bien. André Paul-Antoine. Colonna Romano, qui était la grande amie, d'abord l'élève préféré de Saint-Bernard, à la Comédie française et princesse de comédie, bien entendu, a chez elle un portrait de Jean, tout jeune, avec des bouclettes, un petit visage tout rond, des yeux d'enfant, et puis des bouclettes blondes, ma foi, et tout à fait charmantes. Enfin, il avait l'air du petit chaperon rouge. Alors, j'ai le souvenir du petit Renoir, un petit bonhomme rondouillard, un petit garçon adolescent rondouillard, assez calme, assez lent, qui n'avait pas l'air de comprendre très vite ce qu'on lui disait. Pas parisien du tout, peu communicatif et qui n'attirait pas, au fond, des espoirs étonnants sur son avenir. Il a été, comme tous les fils d'hommes célèbres, il a été écrasé par le renom d'abord, la qualité, le talent, le génie du père, qui était charmant d'ailleurs en tant qu'homme. Et puis alors, il a eu cette déveine d'être en plus, et après ça, retardé par la notoriété de son frère. C'était le petit, il arrivait en dernier, vous comprenez. Il était logique que le petit Jean se jette dans une expression complètement nouvelle où il n'avait pas à rencontrer à la fois son père et son frère aîné. Ce qui explique qu'il soit lancé, il est parti dans le cinéma. La vocation. Avec mon frère Claude, nous nous sommes mis à faire de la céramique. Et la raison pour laquelle mon père désirait nous voir faire de la céramique, c'est que ça avait été son premier métier. Lui-même avait commencé dans la vie en étant peintre sur faïence et sur porcelaine. L'exemple de mon père et le fait que tous les jours nous le voyions peindre faisait que pour rien au monde, nous n'aurions voulu faire de la peinture. Cette crainte allait même jusqu'à nous éloigner de toute profession artistique, de toute profession dans laquelle on peut avoir la prétention de s'exprimer soi-même. Nous étions les témoins journaliers de cette espèce de miracle qu'était mon père devant un chevalet, et nous savions bien que nous ne pourrions jamais espérer atteindre à cette maîtrise, et nous préférions nous confiner à des exercices plus modestes. Quand nous avons fait de la céramique, sur les conseils de mon père, nous avions cru que nous entrions dans un métier, dans une carrière purement artisanale. Nous comptions sans les temps et sans le progrès des temps. J'ai compris tout de suite que si je voulais payer les frais d'un four et tous les frais que comporte la fabrication d'objets céramiques, de vases et d'assiettes et d'objets d'art, j'ai compris qu'il fallait vendre ces objets au prix d'objets d'art. Il fallait les vendre comme des réalisations individuelles. Et je me suis dit, alors si c'est ça, n'est-ce pas, s'il s'agit de m'exprimer moi-même par le truchement d'un vase, pourquoi pas faire de la peinture? Or, j'ai peur de faire de la peinture, par conséquent, je vais faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais essayer de faire du cinéma. Le cinéma me semblait un métier plus artisanal et me semblait, en tout cas, en ce qui concerne le metteur en scène, plus anonyme. J'étais même convaincu que le cinéma serait pour moi une façon de travailler qui me permettrait de garder un anonymat complet, d'être simplement une sorte d'artisan derrière la caméra et de ne jamais me trouver en face des problèmes redoutables de la réalisation et de l'expression personnelle. Et il me semblait qu'en rentrant dans le cinéma, je n'entrais pas dans un domaine absolument étranger. J'ajoute qu'il me semblait que ça avait quelque rapport avec la céramique. On fait un vase, on lui donne une certaine forme. Bon, la forme, on en est à peu près sûr, et encore. Puis ensuite, on met de l'émail dessus et on peint. Et on peint avec des oxydes, surtout que j'avais la manie des oxydes naturels et que j'évitais les couleurs perfectionnées et que je ne peignais qu'avec des cobalts purs, des cuivres purs, etc. Alors, tous ces oxydes sont noirs. Alors, on a un motif, n'est-ce pas, qui est représenté sur un vase que l'on a peint, on le met au four et il en sort tout à fait autre chose. Ce qui en sort d'ailleurs est souvent beaucoup mieux. Il me semblait que le cinéma, c'était comme ça. Il me semblait qu'on avait une scène devant une caméra, qu'on la mettait en scène, qu'on la photographiait, qu'on l'envoyait au laboratoire, et que ce qui en revenait était quelque chose d'absolument inattendu. Alors, cette ressemblance me passionnait, parce que je crois énormément au hasard. Je crois qu'à partir du moment où, dans un métier, on est sûr de ce qu'on fait, on est perdu. Et il me semblait que la part de hasard dans le cinéma, surtout au début, pensez donc, j'ai commencé le cinématographe tout de même en 1922, et alors là, il est évident que la somme des hasards était très grande, et c'est ce qui rendait le cinéma à cette époque absolument passionnant. J'avais eu une période de contact avec le cinéma, bien avant la mort de mon père. C'était au moment où, à la suite de mes ennuis de guerre, j'avais été en convalescence à Paris. Je ne pouvais pas marcher, j'étais obligé de rester assis à peu près tout le temps, alors j'allais au cinématographe. Je pouvais tout de même marcher avec des cannes ou des béquilles. Et j'allais au cinématographe 3 fois par jour, souvent. C'est ça, je m'arrangeais pour faire 2 séances l'après-midi et 1 le soir. Comme à cette époque-là, chaque séance donnait 2 grands films, ça faisait une moyenne de 6 films par jour, ça fait donc une moyenne d'environ 45 films par semaine. Vous voyez que c'est pas une 50aine de films par semaine, c'est pas mal. C'est comme ça que j'ai vu tous les films américains, et c'est comme ça que je me suis pris d'une espèce de passion personnelle pour certains metteurs en scène de cette époque-là. J'ai très souvent cité Chaplin, Stroheim et Griffith, je les recite encore, mais ils n'étaient pas seuls, n'est-ce pas? Véritablement, pour moi, c'était une sorte de rêve, j'étais attiré. Enfin, au fond, j'aurais dû comprendre tout de suite que c'était ça que j'aurais dû faire. C'est sûr qu'il y a des fourmis ici. Mais non, non. Il n'y a pas de fourmis, c'est des idées. Oh, maintenant dans mon corsage. Délance-moi, regarde. Oh, qui peut tenir vent, celui-là? Oh, on attend, assez avec ce hoquet. Hein? Oh, c'est des fous. Cette terre, on attend, je vais avoir une crise de nuit. Calme-toi, maman, on va lui faire boire un verre d'eau. Un verre d'eau, ma chérie? Mais on a que du vin. Oh, vous, si vous étiez un homme, vous auriez en trouvé de l'eau. Le patron de la nouvelle vague. Je me sens beaucoup plus près d'eux que je ne me sentais près de mes contemporains, des gens qui faisaient des films quand j'étais jeune. Je m'en sentais très éloigné. Je veux même vous dire une chose, lorsque j'ai commencé à faire des films, à part évidemment des gens comme Feuillade qui avec Fantomas avait du génie, et plus tard René Clair, Feder, etc., enfin les grands, mais à part ça, je ne pouvais pas voir le cinéma français. Le cinéma français me semblait être une plate copie du théâtre et n'être pas du cinéma. À dire la vérité, et je n'ai pas tellement changé d'avis, j'aimais surtout les westerns. Il a échappé aux classifications, puisque à tous les moments de sa carrière, il tournait un peu le dos à ce qui se faisait. Vous voyez, au moment où on faisait des films slaves, comme Les Nuits Moscovites ou des choses comme ça, lui, il faisait Tony, en se laissant influencer par Pagnol, mais en même temps en introduisant une violence qui n'était pas dans les films de Pagnol et la vérité des faits divers. Donc il allait toujours un peu à contre-courant, et il était un homme qui arrivait à tout faire passer, qui arrivait à faire passer les choses extrêmes, justement en allant très fort sur la familiarité, la vérité, et qui en même temps n'a pas été seulement à la recherche de la vérité, parce qu'il a vu que dans la vie il y avait des éléments de folie carrément, des éléments féeriques ou des éléments de folie si vous voulez, et que c'était ça qui était intéressant de faire ressortir. Alors il est certain qu'au moment de la Libération, si vous voulez, c'est pas, il y avait beaucoup de très bons films, mais enfin un film comme La Règle du Jeu, qui n'était d'ailleurs pas nouveau, qui avait déjà 6 ou 7 ans d'âge, nous étonnait, nous frappait par le côté adulte de l'histoire, des dialogues, de la façon de montrer les relations entre les gens. Alors c'était un peu notre modèle à cause de ça. Et dans les films qui se font aujourd'hui, dans toutes sortes de films qui se font aujourd'hui, on retrouve l'esprit de Renoir. Les films de maintenant ressemblent beaucoup plus à Renoir que les films de son époque, ça c'est certain. Au soir de la première, M. Jean Renoir, le réalisateur du film La Marseillaise, nous parle de sa nouvelle œuvre. Je crois que les hommes, que les spectateurs s'intéressent surtout à ce que peuvent sentir d'autres hommes dans une certaine période. Bien des amis qui ont eu la gentillesse de s'intéresser à mon travail de la Grande Illusion m'ont dit qu'ils avaient préféré entendre parler de simples officiers, prisonniers, rassemblés par le malheur des temps dans une petite chambre, et qu'à travers ces conversations, ils avaient mieux vu la guerre que si on leur avait présenté des grandes charges à la baïonnette, des prises de tranchées. Alors à cause de cela, dans la Marseillaise, vous n'allez pas voir de grandes vedettes de l'histoire. De leur présenter des Français moyens, des ouvriers, des artisans, des petits bourgeois qui ont des idées révolutionnaires. Ces gens-là, nous allons les rassembler, nous allons les faire parler, nous allons essayer de faire profiter, nos amis des travaux que nous avons faits sur cette période, parce que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons vraiment étudié l'histoire de ce temps avant d'aborder le film avec la plus grande conscience possible. Nous montrons tout de même un personnage historique connu, même des personnages. C'est Louis XVI et Marie-Antoinette. Pour une bonne raison. Il nous a semblé que les meilleurs tenants de la théorie monarchiste, c'était le roi et la reine de France. Alors, en face de ce roi et de cette reine, que nous avons, je crois, montré en toute objectivité, nous montrons également en toute objectivité des révolutions. Ce qui m'ennuie le plus dans toute cette histoire, c'est que je serai obligé de l'inviter à la chasse. Eh bien alors, n'est-ce pas naturel? Ouf. Il tient mal. Je le tiens de Sa Majesté votre frère, hélas décédé, et de son ministre communiste, un bien digne gentilhomme, et qui a toujours été contre cette guerre. Comment pouvez-vous ajouter foi au dire d'un individu qui se lave les dents, et en public, et tous les jours encore? Eh bien je suis sûr que cette étrange habitude est excellente pour la santé. Oh. Et nous lavons bien les mains, pourquoi pas les dents? Si ce n'était tous les ennuis qui m'assaillent à présent, j'aimerais assez tenter de ce brossage. N'empêche que mon neveu François II, empereur d'Autriche, tire bien. Il tire mal. D'ailleurs, on ne sait plus chasser aujourd'hui. Quel intérêt voyez-vous à ces expéditions avec des rabatteurs qui vous amènent le gibier comme des quilles devant la boule d'un joueur? Oh, madame! Madame! Sire! Il faut que vous ayez pour moi bien peu d'affection pour prendre à partie publiquement une personne de ma famille. Bon, madame, j'implore votre pardon, quoique impardonnable. C'est la faute de la chasse. J'éprouve une telle passion pour cet exercice que j'en oublie les formes convenables à mon affectueuse tendresse. Messieurs, veuillez faire porter le manifeste de Brunswick à l'Assemblée. Faire des films. Aux époques classiques, l'art de faire quelque chose signifiait tout simplement l'ensemble des connaissances nécessaires pour faire quelque chose. L'art de faire des chaussures ou l'art de faire des tableaux. On était Raphaël ou on était cordonnier et l'on possédait l'art d'exécuter, de pratiquer son métier convenablement. Aujourd'hui, le mot artiste est devenu quelque chose d'extrêmement vague, d'extrêmement nébuleux. Et cela veut dire surtout que l'on a abandonné toute idée d'habileté manuelle. Bon, je ne souscris pas à ces nouvelles définitions. Et personnellement, il me semble sentir, dans notre société moderne, le retour à des formes classiques, et j'essaye, en ce qui me concerne, de me discipliner et de concevoir l'art et la présence tels qu'on les concevait il y a 200 ans. Mais je ne crois pas du tout aux différences d'expression dramatique. Enfin, je crois que les différents moyens de s'exprimer sont tous bons. Je crois que ça n'a aucune importance de s'exprimer par le truchement d'un micro ou d'une scène de théâtre ou d'un écran. Je crois même que la forme de cet écran n'a aucune importance non plus. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où la technique est tellement perfectionnée, tellement parfaite, que l'auteur doit laisser aux techniciens la question de différence d'expression. Ce qui est important, c'est ce qu'on a raconté, ce n'est pas tellement la façon dont on raconte. Joseph Cosma. Vous savez que c'est un metteur en scène qui sait presque le mieux faire jouer les acteurs. Alors, il raconte la situation, il raconte l'esprit du film, il raconte tas d'histoires qui n'ont rien à voir avec le film, jusqu'à il nous emmène pour comprendre, pour sentir ce qu'il veut, ce qu'il exige le film, sans imposer, il impose quand même plus que n'importe qui. Vous savez, c'est passionnant. Vous avez une musique de Renoir parmi vos disques ou vos bandes magnétiques ici? J'ai un disque, le déjeuner sur l'herbe. Un film est un tout et est plus ou moins l'œuvre d'une équipe. Cette équipe, il s'agit de la former, de lui donner une âme, de la diriger. C'est en cela que le metteur en scène est un auteur. Mais on ne fait pas un film tout seul, il faut bien le savoir. Et devant un film, comme devant un roman, comme devant une symphonie, il faut bien se dire que ça ne se découpe pas en tranches comme un melon, mais que c'est un tout, que c'est un objet. Un film, ça devrait pouvoir se prendre et se poser sur une table comme un tout. Quand je commence un travail, je suis toujours trop théorique. Je suis toujours trop théorique et trop désordre. Je me laisse entraîner par des sujets qui sont des sujets différents, mais je mets du temps pour m'apercevoir que ce sont des sujets différents. Dans tous mes films, j'ai procédé à de nombreuses coupures et à de nombreuses coupures avant tournage. J'ai écrit le scénario de la Bête humaine très rapidement. Je crois que j'ai écrit tout le scénario en moins de 2 semaines. Et ce scénario était, je dois l'avouer, pour arriver à une espèce d'unité, était beaucoup plus de moi-même que de Zola. Je m'étais pas mal écarté de Zola, et j'avais tort parce que Zola devait m'apporter dans ce film non pas ce que les gens attendent d'habitude de Zola, non pas la tranche de vie comme on dit, ou le réalisme, non, Zola devait m'apporter une extrême poésie, une poésie absolument délicieuse. Et brusquement je me suis aperçu qu'en étant fidèle à Zola, je pouvais espérer transposer cette poésie à l'écran. Et c'est ce qui fait que j'ai supprimé pas mal de scènes qui étaient de moi seul, et je suis revenu, mais d'une façon presque, je dirais presque servile, à la traduction cinématographique de pages entières de Zola. Le crime de Monsieur Lange est une histoire que nous avons inventée à deux, Castagnier et moi-même. Et nous aimions beaucoup cette histoire. C'était une histoire assez innocente. Il en reste énormément, d'ailleurs, dans le montage définitif du film. Mais il est évident que Castagnier et moi-même admettions qu'il manquait peut-être une petite construction dramatique et peut-être certaines parties n'étaient pas aussi incisives qu'elles le sont devenues. À ce moment-là, des amis nous ont conseillé de nous allier à Prévert pour trouver la forme définitive du film. Et Jacques s'est joint à nous et a tourné tout le film avec nous, n'est-ce pas? Et très souvent, Jacques ou Castagnier ou moi-même, nous avons trouvé des répliques qui nous venaient de l'attitude des acteurs, car les acteurs, évidemment, nous ont aussi beaucoup influencés. J'avais une envie folle de monter dans vos bateaux. Au contraire, c'est peut-être la façon dont vous ramenez. On se sent réellement glissé. C'est tellement calme ici. Il semble que ce serait mal de faire des choses. De troubler ce silence. Fait de silence. Écoutez les oiseaux qui font un vacarme. Hein. Leur chant fait partie du silence. Vous aimez la rivière? Oh oui. Moi aussi. J'y viens souvent. Les avatars de la partie de campagne viennent tout simplement du temps. C'est d'ailleurs le mauvais temps que nous avons eu quand nous avons tourné ce film fait que je suis encore maintenant terrorisé à l'idée de tourner des extérieurs dans la région parisienne. La partie de campagne s'est tournée au bord du Loing où, très heureusement, de très bons amis à moi habitaient. Ses amis étaient un garde forestier de la forêt de Fontainebleau et sa femme. Et l'enclos qui entoure leur petite maison est contre la rivière du Loing. Leur maison a été transformée en auberge pour le besoin du film et nous avons tourné au bord de la rivière chez eux. Malheureusement, il a plu et il a replu. En réalité, à quoi correspondait cette entreprise? Ça correspondait à l'idée qu'un film ne devrait pas forcément avoir un certain métrage pour être un film soigné. C'était donc là la tentative que j'ai proposée à Brunberger qui m'a aidé à la réaliser. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il a plu. Cette pluie m'a amené à changer le scénario et ça, c'est tant mieux. Ce sont des circonstances dans lesquelles les transformations amenées à l'improviste au dernier moment et dues uniquement au temps, étant donné que je ne pouvais pas faire jouer des scènes où on parlait de soleil sous les averses. Eh bien, ces transformations ont été, je crois, très heureuses. Je crois notamment que la pluie sur la rivière est très agréable dans le film. En tout cas, ces transformations ont été opérées. Néanmoins, malgré les transformations, malgré l'utilisation de la pluie, le temps, n'est-ce pas, passé, le film coûtait plus cher qu'il n'aurait dû coûter, bien que ce film était une espèce d'association de camarades et que nous travaillions tous. Mon Dieu, avec l'espoir qu'un jour le film peut-être serait montré honorablement, n'est-ce pas? Et c'est tout. Mais néanmoins, enfin, il fallait tout de même payer l'hôtel, il fallait tout de même payer la pellicule, les techniciens, n'est-ce pas? Enfin, tout ça coûtait assez cher. Alors, lorsque le film a été tourné, Pierre Brunberger a regardé les bouts du film, n'est-ce pas, avant le montage, ça lui a plu. Et il m'a dit, Jean, pour arriver à couvrir les frais de ce film qui ont été supérieurs à ce que nous escomptions, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire un long métrage? Je lui ai dit, moi je veux bien, n'est-ce pas? Remarquez, il a été conçu pour être court, je ne crois pas que ça l'arrangera, mais enfin c'est peut-être possible. J'ai examiné la question et je suis obligé d'avouer que je n'ai trouvé aucun artifice de scénario me permettant d'allonger ce film. Alors il m'a dit, veux-tu que nous fassions appel à Jacques Prévert? Jacques est venu, a écrit une espèce de prolongation du film, n'est-ce pas? L'action se prolongeait à Paris, chez les mêmes gens. Et cette prolongation, en réalité, c'était un petit morceau merveilleux. C'était vraiment délicieusement décrit, mais ça ne se reliait pas très bien avec le début. On sentait tout de même deux auteurs différents. Et il me semblait qu'il eût mieux valu faire deux films reliés artificiellement que de prolonger artificiellement un seul film. D'un autre côté, Pierre Brunberger n'a jamais pu rassembler tous les éléments nécessaires à tourner cette prolongation du film. Puis la guerre est arrivée et vous savez le reste. Allez, avance, ça commence à se traîner, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est Marceau, monsieur le marquis. Mais Marceau quoi? Marceau qui? Ben, Marceau le braconnier. Venez ici. On l'a pris en flagrant délit. En flagrant délit de quoi? Il a posé des collets en bordure du petit bois destruction de la femme. Mais c'est un homme précieux. Faut le lâcher tout de suite. Monsieur le marquis veut plaisanter. Je savais bien que monsieur le marquis me comprend. Reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme ta grande brute. Grande brute. Mais t'as pas de politesse. Qu'est-ce que j'ai fait pour un petit lapin? On devrait avoir le droit de tirer sur des crapules. De rien du tout. Et tu t'appelles Marceau? Oui, monsieur le marquis. Tu es braconnier? Je suis plutôt renvoyeur de chaises. Moi, dans ma partie, c'est comme dans tout. Il y a la crise. Monsieur le marquis comprendra, lui. Alors je m'occupe. On t'appelle cet occupé? Monsieur le marquis, pendant la guerre, j'ai tiré sur des gars qu'on avait fait moins que lui. Ça va, ça va. Marceau, tu as une tête qui me revient. Monsieur le marquis est bien bon. T'es de graines de crapule, monsieur le marquis. Taisez-vous. Au lieu de travailler, disons un amateur, tu n'aimerais pas mieux détruire les lapins pour mon compte? Oh, monsieur le marquis veut m'engager? Ah ben, je dis pas non. Après tout, moi, si je braconne, c'est pas par méchanceté. C'est pour nourrir ma vieille mère. Monsieur le marquis, il n'a pas de vieille mère. Moi, je n'ai pas de vieille mère. Moi, je n'ai pas de vieille mère. Tu ma chère, continuez votre tournée. Laissez-moi tranquille. Bien, monsieur le marquis. Les acteurs. Il y a des gens qui ont du génie et il y a des gens qui n'en ont pas. Avoir du génie ne veut pas dire que l'on ait du talent. Avoir du génie signifie que Dieu vous a fabriqué pour une certaine fonction et que lorsque l'on est dans cette fonction, il se trouve que tout ce que l'on fait marche, ça porte. Personne ne sait pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ça le génie. Ça n'a aucun rapport avec le talent. Maintenant, pour moi, la présence, c'est tout simplement une forme de génie. Il y a évidemment des gens que l'on met sur scène, on leur demande de dire n'importe quoi, et le public est bouche bée et les écoute avec ravissement. Il y en a d'autres, ils travaillent énormément, ils se donnent beaucoup de mal, n'est-ce pas? Et le public ne les écoute pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je crois que c'est ça, le don. Ça existe. Alors, ça te plaît de travailler chez moi? Ça me plaît, mais j'aurais mieux aimé travailler au champ. Pourquoi? T'aimes pas ça, les bois, la nature? Pas avec chou, ma chère, pas plus que ça. Hein. Ici, vous vous croyez chez vous, mais c'est plutôt son domaine. Tandis qu'au château, il serait bien obligé de me laisser tranquille. Et puis, j'ai toujours rêvé d'être domestique. Quelle drôle d'idée, pourquoi ça? À cause du costume. Avoir un habit, c'est mon rêve. En jargon de théâtre, on appelle cette méthode la méthode à l'italienne. Je dois d'ailleurs l'adoption de cette méthode à mon ami Louis Jouvet, à mon frère Pierre, à Michel Simon, quelques très grands acteurs avec qui j'ai travaillé et qui connaissaient cette méthode et la pratiquaient depuis très longtemps. Cela consiste à s'asseoir autour d'une table, le metteur en scène et les interprètes, et à lire un texte en s'interdisant toute expression. Il s'agit de lire le texte comme on lirait l'annuaire du téléphone. Peu à peu, on est extrêmement surpris de voir que les acteurs qui s'interdisent toute expression trouvent une expression véritable qui n'est pas l'expression cliché, l'expression prise dans un tiroir, qu'ils prendraient s'ils voulaient tout de suite donner une forme à leur interprétation. Autrement dit, l'acteur à qui on dit lisait un texte. Ce texte est le suivant. Ma pauvre mère, je suis désolé de vous voir mourir. Vous voyez, j'improvise un texte très fort. Eh bien, il est évident que si l'actrice à qui on demande de dire à ma pauvre mère, je suis désolé de vous voir mourir, le dit tout de suite avec expression, son expression sera fausse. Le mystérieux mariage du personnage et de l'acteur, de l'être humain et de l'être inventé, ça ne se fait pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut du temps, faut faire sa cour au personnage pour rentrer dedans. N'est-ce pas? Comme il faut faire sa cour à une femme intéressante pour arriver à ce qu'elle vous accepte. L'actrice dira sa phrase avec une espèce de faux pathétique, n'est-ce pas? Et ce faux pathétique plaira peut-être, mais à moi m'est insupportable. Tandis que si l'on se force à lire le texte sans aucune expression, l'expression vient presque malgré vous. Alors brusquement, peut-être qu'on va découvrir une grande interprétation d'un grand rôle. Et je dois dire que bien souvent ce sont les acteurs eux-mêmes qui m'ont tiré de la convention, qui m'ont évité d'y tomber. Je considère que la collaboration avec les acteurs est très importante et même essentielle. Après tout, il s'agit de quoi? Il s'agit d'amener sur l'écran une petite étincelle de vie, une petite étincelle de vérité. On ne peut le faire que par une collaboration extrêmement étroite avec l'acteur et en aidant l'acteur brusquement à oublier tout ce qui peut se passer dans la vie autour de lui, à devenir complètement le personnage et à avoir une seconde de sincérité. Si on peut attraper cette seconde de sincérité, eh bien on a un plan très important dans un film. Les paysages viennent après. Évidemment, il faut que l'entourage soit beau. Soit beau. Par beau, j'entends, conforme. J'entends, soit une partie d'un tout. Un film est un tout. Pour Jean Gabin, message lu par Marcel Daliot. Jean est un acteur unique. Il possède le don, il possède la grâce. Au sens religieux du mot, exactement comme Anna Magnani. Il a dans son physique, dans son jeu, une force étonnante, une puissance de moyens d'expression qui lui permettent de jouer facile presque toujours en dedans. Moyen énorme donc, dont il ne met seulement qu'une petite partie dans l'action. Et c'est ce qui, à mon sens, caractérise sa façon de jouer réelle, de jouer vrai. Beaucoup trop de gens ont, à mon avis, ramené Gabin simplement une sorte de gueule cinématographique, exactement la bête à cinéma. Il n'y a rien de plus faux. La gueule, c'est l'acteur qui la compose, au plus profond de lui-même. Pour cela, il travaille. Gabin est l'acteur né, mais j'insiste bien, c'est l'acteur avec un grand A. Pour en arriver à créer les personnages qu'il a interprétés, il ne lui a pas suffi d'entrer dans la scène. Il y a pensé, réfléchi et leur a donné des caractéristiques. Gabin compose tous ses rôles. Il y a, malgré les apparences, une profonde différence de ton entre le misérable des bas-fonds et le déserteur du quai des Brumes, entre le chômeur de la belle équipe et le prisonnier de la grande illusion. On a eu tort de rester si près du chemin. Bah, on pouvait pas dormir dans les roseaux, c'est plein d'eau. Ça, il est passé. Quoi? T'as pas vu que c'était une bonne femme? Et tu viens? Ah, vaut mieux attendre la nuit. Ah non, moi je suis le frigo, mon vieux, faut que je bouge. Tu veux ton sucre? Ah, dis donc, ça diminue. Et puis on n'avance pas, mon vieux. T'en prends pas? Alors j'ai pris ma part, moi, tout à l'heure. J'avais faim. Tiens, j'aimerais mieux même que tu le gardes, comme ça je serais pas tenté. Trop vieille, hein. Et tes boutons, tu les as mangés? Ça se voit qu'ils manquent? Hein? Alors on y va? On n'attend pas la nuit? Mais non, viens, on va faire le tour du patelin avant. Peut-être un mal au pied? Oh, non, rien, un nerf. Alors, tu viens, quoi? Fais ce que je peux. Avec ton pied. J'ai glissé. À ma faute, j'ai glissé. Ouais, t'as glissé. On le sait que t'as glissé. Et si on s'est foiré à traîner comme ça, t'iras leur raconter que c'est parce que t'as glissé, hein? Maladroit, là. On a même plus rien à bouffer, alors autant se rendre tout de suite. Oh, volontiers, parce que moi aussi, j'en ai marre. T'as assez de moi, hein? Marre, j'en ai marre. Si tu savais comme je te déteste. Je te jure que je te le rends bien, va. Veux-tu que je te dise ce que t'es pour moi un colis, t'entends? Un véritable colis. Un boulet que je traîne aux pieds. Puis d'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends? Un peu tard pour t'en apercevoir. Les filles, qu'est-ce que t'attends pour t'en aller? T'en crèves d'envie. Il faudrait pas que tu me le dises deux fois, bien sûr. Allez, fous le camp, vite, vite! Que je vois plus ta sale trogne! Eh ben oui, je fous le camp, t'entends? Et puis déverse-toi allons tout seul, au revoir! Un petit au revoir, jamais! Tiens, j'en poussais une! Tellement je suis content! Il était un petit navire! Il était un petit navire! Qu'il avait jamais navigué! Qu'il avait jamais navigué! Oh, et ouais! Au bout d'un sac, ainsi se mène! Au bout d'un sac, ainsi se mène! Les vivres vains, vains, vains ont à manquer! Les vivres vains, vains, vains ont à manquer! Ohé, ohé. Pourquoi que tu reviens? Allez, viens. Renoir écrivain. Claude Gauteur. Il a été journaliste en 1937 et 1938. Il a été journaliste pour le quotidien communiste Ce Soir. Il a écrit dans L'Humanité, dans Regard, dans Ciné-Liberté, dans plusieurs hebdomadaires de l'époque, mais on peut surtout retenir sa collaboration Ce Soir, qui a duré à peu près un an, où il y a une soixantaine d'articles, où il a fait montre surtout de talents de polémiste et de conteur. De 1954 à 1957 à peu près, Renoir s'est tourné vers le théâtre. Il a écrit deux pièces. La première, Orvette, a été créée en 1955 à Paris avec Leslie Caron et Paul Meurice. La seconde, Carola ou les Cabotins, est toujours inédite. On s'étonne d'ailleurs qu'elle ne soit toujours pas publiée, puisque ça serait une excellente occasion, je crois, pour des metteurs en scène ou pour des animateurs, pour des comédiens, de représenter cette pièce. Elle pourrait même être représentée à la télévision. Renoir, en 62, a écrit une biographie de son père, Pierre-Auguste Renoir, par Jean Renoir. Qui a eu un énorme succès aux États-Unis. Oui. Renoir est devenu romancier en 1966. Il a publié Les cahiers du capitaine Georges. Et enfin, Renoir a écrit cette année ses mémoires, Ma vie et mes films. Ce n'est pas fini parce que je crois que Renoir est en train d'écrire. Il écrit un recueil de nouvelles et un livre sur l'acteur et j'espère que nous pourrons les lire en 1975. C'est la première fois et c'est un peu écrasant pour moi qu'on me pose la question, y a-t-il un Jean Renoir écrivain et non pas seulement Jean Renoir cinéaste? Les critiques spécialisées, à chaque fois, ont fait un accueil assez mitigé à ses livres, je veux dire, ou à ses pièces. Or, ce que je trouve assez curieux, c'est que Renoir se révèle, si on veut bien le lire, un écrivain de très grande valeur. C'est d'autant plus rare que nous avons beaucoup d'exemples de cinéastes qui ont quitté la caméra pour prendre le stylo. Et je crois, enfin pour moi, à mes yeux, avec Elia Kazan, Renoir est à peu près le seul exemple de cinéaste ayant fait montre d'un très grand talent d'écrivain. C'est assez curieux, même dans le cas de Renoir, puisque... On peut une fois de plus le rapprocher de Pagnol, qui lui-même s'est révélé un mémorialiste et un conteur sur la fin de sa vie. Et alors c'est là où Renoir se sépare également et diffère de son maître Stroheim, qui fut un très grand cinéaste, mais il faut bien dire que les romans de Stroheim ne sont pas du tout convaincants. André Bazin. Un drôle de type, tout en rondeur, le col de chemise ouvert sur un cou rustique, les cheveux courts et mal peignés, un côté bohème bon vivant sur une carrure paysanne. Mais ce physique robuste et jovial ne retiendrait peut-être pas l'attention si l'arc sensuel, ironique de la lèvre, l'éclat insolite de l'œil, je ne sais quoi dans la courbe malicieuse du nez, dans l'implantation broussailleuse des sourcils ne révélait l'artiste. Un curieux tempérament comme notre temps n'en produit plus guère, un homme de la Renaissance, une force de la nature. Le Parisien libéré, 24 janvier 1947. Monsieur Poulain, il va déjeuner. Oh bon, ben on y va. Et monsieur Henri, c'est de l'eau fraîche pour l'absinthe. Merci, Bob Poulain. Dites donc, monsieur Henri, votre pêche de ce matin, je vous en fais une friture? Ah non, merci, le poisson, j'en ai soufflé. En veux, toi, Henri? Trois ans depuis qu'à la fabrique, le poisson sort le pétrole. Alors, celle de nos chats. D'aller nos Parisiens, ils seront ravis. Oh, bah ça, c'est une idée. Je vous remercie bien, monsieur Henri. Alors, monsieur Poulain, le client vous attend? Bon. Thème et variation. Jean Douchet. Le thème principal de l'œuvre de Jean Renoir, c'est la liberté. Mais évidemment, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que pour lui, il y a, si vous voulez, une espèce de resurgence de la mythologie grecque et un conflit entre le dionysiaque et l'apollinien. Pour être plus clair, je veux dire le désir de vivre qui est le dionysiaque, et l'apollinien, qui est l'ordre établi, l'existence du monde, l'existence de l'univers. Il y a conflit permanent entre les deux. Il y a un conflit, justement, entre l'ordre des choses et le désordre qui est la volonté de vivre et la volonté de détruire cet ordre qui fige et qui empêche la vie. Vous retrouverez cela à peu près dans toutes les données de l'œuvre de Renoir. Par exemple, si on prend une chose très importante chez lui qui est la nature. Beaucoup de gens ont dit « Renoir, c'est le peintre, le cinéaste de la nature ». Renoir lui-même conteste cette interprétation. Pour lui, la nature est un élément du donné, du cadre général, qui est donné à l'homme et dans lequel l'homme peut se s'épanouir ou au contraire ne pas s'épanouir selon son tempérament et selon son caractère. Et la nature intervient dans la dramaturgie à ce moment-là, dans ce conflit général. Elle n'est pas une chose en soi, elle est quelque chose qui participe à la vie, au désordre ou au contraire à l'ordre contraignant. Par exemple, autre chose extrêmement fondamentale chez Renoir, c'est le rôle des femmes. Il est vrai que Renoir peint la femme, aime à montrer les femmes, et son œuvre est toujours fondée, enfin ses héroïnes sont toujours des femmes. Rares sont les films faits sur les hommes, il y en a quelques-uns, mais ils sont très rares. Et on s'aperçoit que la femme, à l'intérieur de l'œuvre de Renoir, participe aussi à ce désir de vivre. Enfin, c'est d'abord le désir qui est à l'intérieur de la femme, c'est-à-dire qu'on voit que la femme est désirée, et c'est parce qu'elle est désirée que tout est agi et que tout agit. Par exemple, la chienne, la règle du jeu, French Cancan, etc. Tous ces films-là, on peut dire presque tous les films de Renoir, sont faits sur ce thème de la femme, objet de désir, et donc motivant la dramaturgie générale du film. Le ton de Renoir, c'est la liberté, c'est-à-dire il a un cadre cinématographique obligé de respecter, qui est une contrainte, et en permanence le désir d'introduire une impression de mouvement, de liberté, de détruire ce cadre figé et de donner justement une impression de tourbillon, de vide et de sentiment d'être qui est le propre même de l'œuvre de Renoir. Dans sa construction cinématographique, dans sa mise en scène, on s'aperçoit qu'en permanence, il essaye de briser le cadre figé. C'est un cinéaste qui n'a jamais accepté la contrainte des autres cinéastes qui réglaient au cordeau leur cadre. Renoir fait de très beaux cadres, mais il essaye en permanence que le spectateur oublie le cadre. Et ça, c'est une chose fondamentale chez lui. Et il faut d'abord que les gens, que le spectateur soit avec les personnages et en toute liberté avec les personnages. Alors, le métier de cinéaste chez Renoir consiste à surtout faire oublier le cinéaste. Et à ce point de vue-là, je crois que c'est l'un des plus grands de tous les cinéastes, car il faut un extraordinaire métier, plus un extraordinaire talent, et même une pointe de génie pour arriver à cela. Le désordre étant source de vie, il est bien évident que dans le désordre, il y a forcément confusion, il y a forcément paradoxe, il y a forcément contradiction. C'est lié, inhérent même au désordre, et au loin de me gêner, je pense que c'est indispensable. Renoir est un homme qui brasse, c'est pas un homme, c'est un homme qui brasse les idées, qui brasse les gens, qui brasse la vie, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui a des idées arrêtées. C'est le contraire, de même que le cadre cinématographique n'est pas arrêté, les idées ne sont surtout pas arrêtées. Remarquez, je ne me rends pas compte très bien de ce que je fais, ni de où je vais. Je puis dire, sans me tromper, par exemple, que le vrai sens de la grande illusion, à savoir la croyance, ma croyance profonde en une division du monde, non pas verticalement, non pas en nations, mais horizontalement, c'est-à-dire en tournure d'esprit, en nature humaine, et surtout en profession. Je crois beaucoup aux professions. La division du monde de cette façon, qui est un des thèmes de la grande illusion, il m'est apparu que j'avais travaillé dans ce sens-là que lorsque le film a été terminé, peut-être même lorsque je l'ai vu avec du public. Et ce sont les réactions du public qui m'ont indiqué ce que j'avais voulu dire. La grande chose est de partir sans vouloir formuler le message, je crois. Je crois qu'il faut attendre que le message se formule tout seul. Ou plutôt qu'il se formule malgré vous. Autrement dit, il faut être influençable. Personnellement, j'essaie d'être influençable. J'essaie de voir les hommes, de voir la vie, d'en prendre ce que je puis et de le traduire. Vous ne le découvrez que par le travail. Idéologie. Roger Boussineau. Il y a une idéologie qui gouverne tout ce qu'a fait Renoir. C'est une idéologie inconsciente, d'ailleurs. C'est celle du bourgeois du 19e siècle, pour laquelle il a une nostalgie absolument évidente, jusque dans ses œuvres romanesques, qui relèvent d'une nostalgie du même type que Héléna et les hommes pour une certaine vie bourgeoise qui vient directement du 19e siècle. Renoir, c'est la révolte, c'est la colère, c'est le coup de gueule contre une société, comme il dit lui-même, un univers illogique, irresponsable et cruel. Il dit ça à propos du fleuve, je crois. Avant le fleuve, il opposait à cet univers sa colère. Et après le fleuve, il oppose à cet univers illogique, irresponsable et cruel son amour, dit-il. L'amour de quoi? On n'en sait trop rien. C'est l'amour, c'est une sorte de panthéisme très flou, très vague, et qui finalement tourne un autre boudin. Il devient anti-scientifique, devient mystique, une certaine mystique, etc. Ou bien se réfugie dans l'art pour l'art. Oui. À vous lire, vous lui reprochez d'être passé d'une période d'engagement au spiritualisme. Non, je lui reproche pas. Je trouve cette évolution tout à fait normale pour quelqu'un qui n'avait pas de motivation profonde pour faire une œuvre artistique, sauf précisément l'œuvre artistique elle-même. C'est quelqu'un qui voulait tourner, qui voulait faire du cinéma et qui a fait du cinéma toute sa vie. Renoir aurait été soviétique, il était absolument dans la ligne et il faisait les films que le régime demandait de lui. Renoir aurait été allemand, ou bien il serait resté en Allemagne et il aurait fait des films nazis comme beaucoup d'autres, ou bien il serait passé aux États-Unis et là, il aurait fait des films anti-nazis. La versatilité de Renoir est celle de l'artiste. Je ne la lui reproche pas, sauf que, évidemment, je pense que son œuvre s'en ressent car il lui manque la cohérence. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une cohérence qui est son tempérament, une fidélité à soi à travers ses contradictions? Oui, c'est sûr, mais en deux parties. Une première partie qui va jusqu'à l'âge de 56 ans, c'est-à-dire qui va jusqu'au fleuve, non compris, et une seconde partie qui part à partir du fleuve et qui est purement et simplement l'impatience d'un artiste à s'intégrer dans une société, à être reconnu, etc. L'attitude même de Renoir, qui parle beaucoup, qui parle trop, qui a toujours trop parlé dans sa vie, est bien caractéristique de ce désir de réussite qu'il avait. Renoir est quelqu'un qui voulait réussir, qui avait besoin de réussir, besoin de filmer et que son œuvre soit reconnue comme génial. Renoir a toujours aimé être adulé. Renoir n'est pas l'auteur d'une œuvre et surtout pas d'une œuvre cohérente, mais il est l'auteur de très grands films. Et ces très grands films, je pense qu'ils peuvent aussi extrêmement actuels. Sa plus grande œuvre, et c'est quand même Le Crime de Monsieur Lange. Et comme par hasard, c'est un film qu'il a fait avec Prévert et avec le groupe Octobre. Catherine la Grande avait bon appétit. Mais elle était gourmande de ma la belle anatomie. Sur un air de balalaïque, achèvire-moi dans les bégonias. Mais si tu rates ton coup de mazurka, je te ferai balancer dans la Volga. Des oies, on connaît la valeur, ce ne sont pas des mauviettes. Les dames apprécient leur vigueur quand ils chargent à la baïonnette. Hélas, disait la reine Hortense, aux Tuileries pendant une danse, avec leur uniforme immense. On ne sait pas ce qu'ils pensent, nom de là, on ne sait pas ce qu'ils pensent. François Truffaut. Depuis que j'ai vu des films de Renoir, j'ai dû voir les premiers films de Renoir dans les ciné-clubs ou dans les cinémas après la Libération, eh bien Renoir est toujours resté le numéro un, celui qui m'a le plus influencé, parce que c'était le plus complet, puis probablement aussi le plus français. Pendant de longues périodes, j'ai admiré le cinéma américain, et puis à d'autres moments, je me suis dit non, on est français, on ne doit pas imiter les Américains. Et Renoir, certainement, est a été l'homme le plus complet. Il a fait énormément de films qui ont tous énormément d'intérêt, et il a pratiqué un cinéma de personnages où la richesse humaine des personnages est plus importante que la force des situations dans lesquelles ils sont plongés. Et comme c'est un homme qui a beaucoup de fantaisie, il a quand même pu filmer des situations très fortes, des meurtres, des suicides, des choses un peu folles, mais avec cette simplicité et avec un tel parti pris de familiarité que tout passe et tout est réaliste, et il a été le cinéaste le plus vrai. André-Paul Antoine. Il tient de sa famille et de sa peau, de son sang, il tient certainement une sensibilité indiscutable. Il a été un esprit charmant dans l'époque, dans le moment où il était justement un amateur et où il était justement un essayiste. C'est le bon Renoir, ça. Et puis, il lui est arrivé une chose très grave, il s'est pris au sérieux. À partir de quand? Je pense que c'était à partir de l'Amérique. Ça lui a été néfaste, cette histoire-là. Henri Langlois. Je crois que c'est le plus grand génie du cinéma français, non? Quel est le film d'Renoir que vous préférez? La nuit du carrefour. Alors, bon. C'est le film que tous les historiens considèrent comme son plus grand navet. Non, c'est un film superbe d'après Simenon. C'est la seule fois où Simenon a été vraiment traduit d'une façon magistrale. Il a fait La nuit du carrefour. Oui. J'ai honte, non mais je suis... Oui, non mais n'ayez pas honte, il y a deux films qui ont toujours passé pour deux navets, c'est La nuit du carrefour et Boudu. Ouais. Boudu maintenant est dédouané, puisque ouais. Tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, mais La nuit du carrefour c'est encore plus beau que Boudu. Jean Mitry. Renoir est assurément l'un des très grands cinéastes français. Peut-être, je veux bien le croire, le plus grand metteur en scène français des années 30 à 50. Par son réalisme, par une des qualités, si vous voulez, de réalisation cinématographique, de langage filmique, de simplicité, je ne dirais pas de spontanéité, ça me paraît, sa spontanéité est évidente, mais elle est également travaillée. Elle est aussi travaillée que l'artifice, par exemple, de René Clair. Et sur le plan français, il me semble que René Clair a une place très grande également, et qu'il est aussi français que Renoir, mais dans un sens très différent. Renoir, pour moi, est un très grand metteur en scène. Je ne le mettrai pas, quand même, parmi les 10 ou 15 plus grands metteurs en scène du monde. Certainement pas. Des gens comme Murnau, comme Eisenstein, comme 10 autres, comme Fritz Lang, pour moi, occupent des places beaucoup plus importantes que Renoir. Ce n'est pas minimiser le talent ou la valeur de Renoir, c'est essayer de faire le point. Car une chose que je ne peux pas admettre, c'est cette divinisation, cette idolâtrie que l'on a pour les êtres, que ce soit pour Jean Vigo, que ce soit pour Renoir, que ce soit pour René Clair, comme il en fut un moment, ou bien on est un dieu, ou bien on n'est pas acheté au cochon. C'est absolument inadmissible, ça témoigne d'un manque total de sens critique et d'objectivité et de lucidité. Si ça continue, on sera bientôt forcé d'aller au moins jusqu'à Corbeil pour être tranquille. Oh ben mon vieux, c'est dommage, parce qu'on était rudement bien ici. Les gens du puits étaient gentils, on était près de Paris, on pouvait faire tout ce que l'on voulait. Puis on aurait presque pu se baigner en petit caleçon, Pierre Poulin aurait trouvé ça très bien. Belle garde champêtre. Bon ami, on a encore pris un canon avec lui avant-hier. Pourquoi vous étiez? Mon vieux, les Parisiens, c'est comme les microbes. Quand tu en as un qui se faufile quelque part, tu peux être sûr que 8 jours après, ça pullule. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mon vieux, il faut fuir. On va remonter la rivière en yole. Ce soir, quand nous reviendrons, les laitiers sont partis. D'ailleurs, chaleur, c'est un petit peu rasoir. Arrête, malheureux, tu ne sauras jamais faire une purée. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Au départ, lorsque j'ai commencé le cinéma, je croyais... évidemment un cinéma entièrement transposé. Je ne croyais pas à un cinéma réaliste. J'avais la conviction que l'écran était une espèce de scène de la comédie italienne dans laquelle des personnages jouaient leur rôle, mais sans souci de représenter la vérité extérieure. Puis un beau jour, je me suis aperçu que cette vérité extérieure m'était bien commode. Je me suis aperçu que par la vérité extérieure, si vous voulez, par l'aspect véritable d'un monsieur... qui marche dans la rue, ou d'un ouvrier plombier qui répare une salle de bain, je me suis aperçu que par leur intermédiaire, je pouvais peut-être espérer joindre un tout petit peu de cette vérité intérieure. Je dis un tout petit peu parce que cette vérité intérieure, il ne faut pas être trop ambitieux. Quand on arrive à gratter un tout petit bout, il faut s'estimer bien heureux. Personnellement, ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois dans ma vie de dire la vérité, mais enfin, ça ne m'est pas arrivé bien souvent. Parce que la vérité, c'est d'abord très difficile à définir. Qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce que n'est pas la vérité? C'est ça qui, d'ailleurs, qui est passionnant dans notre métier. C'est que c'est une façon d'essayer de découvrir la vérité. Cinéaste français né le 15 septembre 1894 à Paris. On lui doit quelques 35 films, parmi lesquels Nana, 1926, La petite marchande d'allumettes, 1928, La chienne, Jean Renoir, La nuit du carrefour et Boudu sauvé des eaux, 1932, André Paul-Antoine, André Bazin, Roger Boussineau, Marcel Daliot, Jean Douchet, Claude Gauter, Joseph Cosma, Henri Langlois, Jean Mitry, François Truffaut et Luchino Visconti. Une partie de campagne, 1936. La grande illusion, 1937. La Marseillaise, 1938. Dialogue, musique et chansons, extraits de La partie de campagne, La Marseillaise, La grande illusion, La règle du jeu, French Cancan et Le déjeuner sur l'herbe. 1951. Le carrosse d'or, 1952, French Cancan, 1955, Elena et les hommes, 1956. Nous remercions M. Jacques Maréchal, distributeur de films, et tout particulièrement Jimmy Drulon, de la phonothèque de l'ORTF. Jean Renoir. Une émission de Philippe Hainaut, assistant de réalisation Alain Pellet. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 septembre 1974. Vous pouvez la réécouter à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. The old Vienna before the war, with its Strauss music, its glamour and easy charm. Constantinople suited me better. I really got to know it in the classic period of the black market. We'd run anything if people wanted it enough and had the money to pay. Of course, a situation like that does tempt amateurs, but, well, they can't stay the course like a professional. Now, the city, it's divided into four zones, you know, each occupied by a power, the American, the British, the Russian, and the French. But the center of the city, that's international, policed by an international patrol, one member of each of the four powers. Wonderful. What a hope they had, all strangers to the place, and none of them could speak the same language, except a sort of smattering of German. Good fellows on the whole, did their best, you know. Vienna doesn't really look any worse than a lot of other European cities. Bombed about a bit. Oh, I was going to tell you about Holly Martins, an American, came all the way here to visit a friend of his. The name was Lime, Harry Lime. Now, Martins was broke and Lime had offered him some sort of a job. Anyway, there he was, poor chap. Happy as a lark and without a cent. Passport, please. Oh. What's the purpose of your visit here? A friend of mine offered me a job here. Where are you staying? With him, 15 Stiffgasse. His name? Lyme, Harry Lyme. Okay. Thought he'd be here to meet me.